Ouais, c'est la 5 là. Tu t'es branché ou pas? Hey! On charle de cagole, faut valider la cagoule. Mélange la camélée au bien comme être au caquet. Chapeau comme ton épice, on a fourni comme le tamoul. Posé dans un local, nos places à des maîtres au taquet. Accusé pour des faits, on sait qui est en tort. La paire de TN, elle sait ce qu'elle en court. J'suis dans mon quartier, et y'a la bague encore. T'en révises un peu plus, poteau, y'a le BTS en cours. Pop, lève la roue avant, j'suis derrière. J'fume des joints à la police, c'est démolition à la cité, ça fume des gènes. Ça fume le shit, shit, gros, ça m'écrit des joues. J'ai un peu pas sur le zip, zip, les voisins nous prennent pour des fous. Ça gil, gil, tu sais que ça dépend pas des jours. J'apprends ça et fil, fil, problème, on agit comme des sourds. Sous la bite, bite, j'ai le cadre qui est lourd. On arrive comme bip, bip, t'inquiète quand c'est pour des sous. Hein, de testeur, DR au pécho, il sort du toaster. Cramponné, j'suis toujours à mon poster. Sur la poubelle, j'entame une poster. J'ai ce plaido à mon pote. Il a la sacoche depuis midi posté. À la fatigue, mes soeurs, ils postent. À force de rallumer le gros ster. TML, DR au pécho. Toi tu payes ta bouteille en chicha. Moi je la paye pour la boire en quartier sans chichi. Hein? Rap violent, pas de violon. Car ta vie au mur, donc pas de violard. Je mets blabla pécane, je suis derrière, je bois la taille. T'es pas au courant, crois-moi tout seul, je bois la team. Je veux de là où certains sont pas la frais. Ou d'autres apprécient pas l'Afrique, donc des fois tu me cherches, mais bon, je suis pas la frère. Jeune loi à pas attirer par la frite. Moi et mes amis, on veut rouler en tout nouveau. Elle te dira, je t'aime en direct, tu ne vaut-elle. Pourtant rien ne change, on prend la pêche quand tu nous vois. Et ce bâtard me dit, dis-moi, il faut un nouveau tel. Bim, et on repart. Après minuit, je suis ivre à chaque fois qu'on parle. L'après-midi, on se dit, ouais, c'est quand qu'on part. Pour l'instant, je suis dans ma ville, calé quelque part. Affolant, sombre et rond, grosse virgule après. Tu me connais, hein, pour la rue la vraie. Pour la rue la vraie. Rien n'a changé, tu prends l'avril, le bâtiment est toujours tel après. Derrière, on pêche chaud, sort du four. On n'est pas prêt de faire grès. On arrive en four, on oublie le fair play. Alors, là on n'a pas de bol. De toute façon, on déjeune même plus, hein.